Il s'arrache de l'œil le pieu trempé de sang. Il le rejette au loin, de ses mains en délire. Il appelle à rentrer ses voisins, les cyclopes, qui dans le vent de la falaise ont leur caverne. Ils entendent son cri. De partout, ils s'empressent. Ils étaient là, debout, tout autour de la grotte, voulant savoir sa peine. Polyphème, pourquoi ces cris d'accablement? Pourquoi nous réveiller en pleine nuit divine? Serait-ce ton troupeau qu'un mortel vient te prendre? Est-ce toi que l'on tue par la ruse ou la force? De sa plus grosse voix, Polyphème criait du fond de la caverne. La ruse, mes amis, la ruse, et non la force. Et qui me tue? Personne. Les autres de répondre, avec ces mots ailés. Personne? Contre toi, pas de force. Tout seul. C'est alors quelque mal qui te vient du grand Zès, et nous n'y pouvons rien. Invoque Posidon, notre roi, notre père. À ces mots, ils s'en vont. Et je riais tout bas. C'est mon nom de personne et mon perçant esprit qui l'avait abusé. Gémissant, torturé de douleur, le cyclope, en tâtonnant des mains, était à lever le rocher du portail. Puis il s'était assis en travers de l'entrée, les deux mains étendues pour nous prendre au passage si nous voulions sortir dans le flot des moutons. Il attendait de moi pareil enfantillage. Je songeais de moyens de nous arracher tous, les compagnons et moi, aux prises de la mort. Et, ruses et calculs, je mettais tout en œuvre. Notre vie se jouait. Le désastre était proche. Et voici le projet que je crus le plus sage. Ces béliers étaient là, des mâles bien nourris, à l'épaisse toison. Grands et beaux, ils avaient leur laine violâtre. Sans bruit, avec l'osier, qui servait de coucher à ce monstre infernal, j'avais fait des liens. J'attachai les béliers ensemble, trois par trois. La bête du milieu portait l'un de mes gens. Les autres la flanquaient, pour mieux cacher mes hommes, dont le poids reposait ainsi sur le trio. Il me restait, à moi, le bélier le plus fort. Je le prends par les reins, puis, coulé sur son ventre, je m'allonge en sa laine et je reste pendu, tordant à pleine main sa toison merveilleuse. Rien ne lasse mon cœur. En gémissant, nous attendons l'aube divine. Aussitôt qu'apparaît dans son berceau de brume l'aurore aux doigts de rose, les boucs et les béliers courent au pâturage. Mais les brebis, bêlant, font cercle autour des stalles. Le maître n'avait pu les traire, et trop pesant, leur pie leur faisait mal. Secoué de douleurs cruelles, le cyclope tâtait pour la fouiller l'échine de ses bêtes, qui s'arrêtait bien droite. L'enfant, il ne vit pas ce qui pendait au ventre dans l'épaisse toison. Le dernier à sortir, mon bélier s'avançait, alourdi de sa laine et de mes lourdes pensées. Polyphème le tâte de sa grosse voix. « Doux bélier, qu'as-tu donc? Te voilà le dernier à sortir de la grotte. Les autres t'ont laissé. D'ordinaire, c'est toi qui, le premier de tous, t'en vas paître à grands pas les tendres fleurs des prés. Et tu vas le premier au courant des rivières. Et le premier encore, tu t'empresses le soir de rentrer à l'étable. Aujourd'hui, te voilà le dernier des derniers. Est-ce l'œil de ton maître qui cause tes regrets? Cet œil qu'un scélérat, avec ses compagnons infâmes, a crevé? Ce personne, il noya ma raison dans le vin. Mais celui-là, crois-moi, n'est pas tiré d'affaire. Si l'amitié pouvait te donner la parole, et si tu pouvais me dire où il fuit ma colère, de son crâne fendu, sa cervelle partout, à travers la caverne, arroserait le sol, et mon cœur trouverait moins lourdes les souffrances qu'est venu m'apporter ce perdu de personne. » Il dit, et le lâchant, fait sortir le bélier. Déconnaît un peu loin de l'antre de la cour, je me déprends d'abord, puis je délie mes hommes, et courant et poussant les bêtes trottinantes, que leur graisse alourdit, nous rentrons au navire, avec de longs détours. Ah, la joie de nos gens, à nous voir reparaître échappés à la mort, et les pleurs et les cris sur ceux qui ne sont plus. Mais, les sourcils froncés, je défends que l'on pleure. J'ordonne qu'au navire, on jette sans retard tout un lot de brebis à l'épaisse toison, et que sur l'onde amère, au plus tôt l'on reparte. Mes gens sautent à bord et vont s'asseoir au banc. Quand, chacun en sa place, La rame bat le flot qui blanchit sous les coups. Mais lorsqu'il est au point d'où la voix porte encore, je m'adresse au cyclope en paroles railleuses. Non, il n'était pas dit que tu devais, cyclope, manger les compagnons d'un homme sans vigueur, abusant de ta force au fond de ta caverne. De ta méchanceté, tu devais rencontrer le paiement, malheureux, qui n'accueille les hôtes que pour les dévorer. Zeus et les autres dieux t'en ont récompensé. Je dis, et dans son cœur redouble la colère. D'une grosse montagne, il arrache la cime. Il la lance. Elle tombe au devant du navire à la proie azurée. Peu s'en faut qu'elle atteigne la pointe des tambours. La mer, sous la tombée de la roche, s'ébranle, et le flot de retour nous ramène à la terre, où ce grand coup de flux nous fait presque toucher. Mais prenant à deux mains notre plus longue gaffe, je pousse à éviter, et j'excite mes gens, en leur donnant les ordres pour forcer d'aviron, si l'on veut s'en tirer. De la tête, c'est moi qui leur rythme l'allure. Ils piquent de l'avant et tirent sur la rame. Nous voici revenus en mer, deux fois plus loin. Je hèle le cyclope. Mes gens autour de moi, de leurs mots les plus doux, à l'envie, me retiennent. Tu veux exaspérer, malheureux ce sauvage. Il vient de nous jeter un si gros projectile qui nous a ramené le croiseur à la côte. Il a failli nous perdre. Si tes cris ou ta voix lui parviennent encore, c'est nos têtes, à nous, et les bois du vaisseau, qu'il va mettre en bouillie sous le bloc anguleux que son bras peut lancer. Il porte jusqu'ici. Il parlait, sans fléchir l'audace de mon cœur. Je reprends et lui crie de toute ma rancune. Cyclope, auprès de toi, si quelqu'un des mortels vient savoir le malheur qui t'a privé de l'œil, dis-lui qui t'aveugla. C'est le fils de Laerte, oui, le pire de Troie, l'homme d'Ithaque, Ulysse. Je disais, en hurlant, le cyclope répond, ah, misère, je vois s'accomplir les oracles de notre vieux devin. Ce n'était qu'un mortel, mais si noble, si grand, ce maître en prophétie. Allons, reviens, Ulysse, et je te donnerai les présents de ton hôte. Je charge le Seigneur qui ébranle la terre de te remettre en route. Je suis son fils, tu sais. Il se prétend mon père. Lui seul peut me guérir s'il veut. Mais aucun autre, ni des dieux fortunés, ni des hommes mortels. À ces mots du cyclope, aussitôt je réponds. Ah, puissais-je t'ôter et le souffle et la vie, et t'envoyer dans les demeures de l'Hadès, aussi vrai que ton œil ne sera pas guéri, même par le Seigneur qui ébranle le sol. Je disais. Mais déjà, il faisait sa prière à son roi Posidon, en tendant les deux mains vers les astres du ciel. Ô maître de la terre, ô dieu coiffé d'azur, ô Posidon, écoute, s'il est vrai que je suis ton fils, si tu prétends à ce titre de père, fais pour moi que jamais il ne rentre au logis, ce pilleur d'Ilion, cet Ulysse, lui, ce fils de Laerte, qui demeure à Ithaque. Oui, du moins, si le sort lui permet de retrouver les siens et sa haute maison, au pays de ses pères, fais qu'après de longs mots, sur un vaisseau d'emprunt, il n'y rentre, privé de tous ses compagnons, que pour trouver encore le malheur au logis. À peine il avait dit. Le dieu coiffé d'azur exaucait sa prière. Et déjà le cyclope a repris un rocher bien plus gros qu'il soulève. Il le fait tournoyer, le jette, en y mettant sa force exaspérée. Du navire azuré, le bloc rase la poupe, en risquant d'écraser la pointe des tambours. La mer, sous la tombée de la roche, s'ébranle, et le flot nous poussant, nous fait presque toucher. Nous revoici dans l'île où nous avions laissé le gros de notre flotte. Sur les bancs des vaisseaux, où campés alentour, nos tristes compagnons restaient à nous attendre. On aborde. On échoue le vaisseau sur le sable. Nous prenons pied alors sur la grève de mer. On tire de la cale les moutons du cyclope. J'en fais si bien les lots que personne en partant n'a pour moi de reproche. Seul, je suis mieux traité. À mon lot de moutons, les compagnons guettrés ajoutent un agneau que j'offre sur la grève au dieu des nuées sombres, à Zeus, fils de Cronos. Durant tout ce grand jour, jusqu'au soleil couchant, nous restons au festin. On avait du bon vin, des viandes à foison. Au coucher du soleil, quand vient le crépuscule, on s'étend pour dormir sur la grève de mer. Mais, sitôt qu'apparaît, dans son berceau de brume, l'aurore aux doigts de rose, j'ordonne à tous mes gens d'embarquer sans retard et de larguer la mare. Mes gens sautent à bord et vont s'asseoir au banc. Puis, chacun en sa place, la rame bat le flot qui blanchit sous les coups. Nous reprenons la mer, l'âme navrée, contente d'échapper à la mort, mais pleurant, les amis.